La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Il est la star incontestée de l'Égypte antique, Pharaon mort à l'âge de 18 ans seulement et qui suscite une fascination de la part du public qui dépasse parfois l'entendement. 11e Pharaon de la 18e dynastie. Il fait donc l'objet à partir de demain d'une exposition événement à la Halle de la Villette à Paris qui réunit 150 objets lui ayant appartenu. Bienvenue dans les trésors de Toutankhamon. Nous lui consacrons sa tête au carré cet après-midi à ce jeune roi pour vous raconter justement sa vie et la découverte de son tombeau par l'archéologue Howard Carter en 1922 à Louxor. 3300 ans plus tard, que sait-on de la vie de Toutankhamon? Quelles sont les questions qui intéressent les égyptologues à son sujet? Et que racontent les objets qui se trouvent aujourd'hui à Paris? On en parle dans un instant avec mes invités qui sont avec nous dans ce studio. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. On entre aujourd'hui dans l'intimité d'une drôle d'espèce de ver à la une de la science. Oui, Mesorhabditis bellari, un ver rond aux mœurs bien étrange où les mâles servent uniquement à aider les femelles à s'auto-cloner. On vous en dit plus dans un instant. Et Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, Toutankhamon, le trésor du pharaon, exposition, donc événement à découvrir à partir de demain à la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au mois de septembre. Et pour nous en parler, Vincent Rondeau, le directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, et Dominique Farou, égyptologue, conseiller scientifique de cette exposition, enseignant à l'Institut Khéops et chargé de cours à l'école du Louvre à l'ENS de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue donc pour la première fois, plus de 50 ans après la première exposition à Paris. On accueille donc dans la capitale 150 objets inestimables ayant appartenu à Toutankhamon. Depuis combien de temps d'ailleurs, Dominique Farou, travaillez-vous sur ce projet d'exposition à Paris? Il faut combien de temps pour la mettre en place et véritablement faire venir ces trésors? Il faut dire que cette exposition a d'abord été montée pour Los Angeles. Oui. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là ont été faites en amont. Ce que je peux vous dire, c'est que là, ça fait plusieurs mois. Et l'exposition n'est pas exactement la même qu'à Los Angeles. Oui. L'espace est plus grand. C'est sur un seul étage, donc on n'en sort pas. Et en plus, on est accueilli en arrivant par un des chefs-d'œuvre majeurs du musée du Louvre. Je pense que Vincent en parlera plus mieux que moi. Ben justement, puisque Vincent Rondeau, le musée du Louvre, effectivement, a prêté cette œuvre, entre autres. Ça fait combien de temps que vous travaillez justement sur l'exposition? Mais depuis que j'étais un jour au ministère des Antiquités égyptiennes au Caire et que les autorités égyptiennes ont demandé à ce que le Louvre et le département des Antiquités égyptiennes puissent s'associer à l'exposition qui était en train de prendre corps, de prendre forme à la Villette. Mmh. Et évidemment, c'était une proposition qui se... Non seulement qui ne se refuse pas, mais qui se réfléchit bien et qui trouve une solution. Et la solution, ça a été la statue d'Amon protégeant Toutankhamon, entre autres. Alors donc, il y a plusieurs années, plusieurs décennies, 1967, déjà Paris a accueilli une exposition au Petit Palais. Hein, c'était pour présenter 45 objets à l'époque. Est-ce que le public déjà, en 1967, était complètement féru d'égyptologie? Alors, féru, je sais pas, mais oui, de toute façon, il y a toujours eu un goût pour l'Égypte ancienne. Mmh. En France, enfin, toujours. Ça fait plusieurs siècles. Et à intervalles réguliers, on le réveille. Et l'exposition de 67 a été vraiment un terreau. Oui. Je m'en souviens très bien. C'est vrai. Vraiment, ah bah voilà. Pierre-Henri Gouillon qui nous rejoint. Non, que de ça. Bonjour Pierre-Henri Gouillon. Merci de nous rejoindre sur les ondes. Vous en souvenez, vous étiez où à l'époque? Ah, j'y suis allé, oui, bien sûr. Alors moi, j'ai croisé hier des égyptologues qui étaient guides à l'époque, justement, en 67, et qui revoyaient évidemment ces objets, qui étaient très émus, visiblement. Comment on explique quand même cette égyptomania? Pourquoi les gens sont autant fascinés? C'est le personnage de Toutankhamon ou c'est bien plus large que ça? C'est pas de l'égyptomania, parce que l'égyptomania, c'est quand Toutankhamon se retrouve dans la publicité, qu'on fait des meubles style Toutankhamon, qu'on a, voyez. Donc c'est de l'égyptophilie. Non, j'ai pas d'a priori contre l'égyptomania, parce que moi-même j'adore j'invente hein, des cigarettes Toutankhamon, c'est très amusant. Mais c'est pas la même chose que quand les gens sont fascinés en allant visiter l'exposition de 67 ou vont faire des voyages en Égypte. Et donc ce ça, musée de l'égyptophilie. Et ce musée du Caire qui va ouvrir d'ailleurs en 2022, donc c'est la dernière occasion, là, oui, à Paris, de voir ces objets. Le ministre a fait une annonce hier pour indiquer que ce serait à l'automne 2020 désormais. 2020, la date est fluctuante forcément, ça, puisque le chantier est en train de donc ça va vite, d'évoluer, et du coup il faut adapter les choses. Oui. Allez, on se retrouve dans un instant, on va évidemment reparler de la découverte en 1922, et puis de ces objets réunis à Paris, pour voir ce qu'il nous raconte évidemment du pharaon Toutankhamon. Vous êtes les invités aujourd'hui de La Tête au Carré. À la une de la science aujourd'hui, un petit tour chez les vers ronds et leur drôle de reproduction, Axel Villard. Oui, on a tous en tête, Mathieu, la reproduction humaine où le mâle et la femelle mettent en commun leur patrimoine génétique pour engendrer un individu totalement nouveau et qui partage donc des traits avec ses deux parents. Eh bien, chez le ver dont nous allons parler, qui s'appelle Mesorhabditis bellari, ça se passe pas vraiment comme ça, c'est un peu plus unilatéral, je dirais. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la femelle, elle a bien besoin du mâle, jusque-là, tout va bien, mais seulement pour produire un clone d'elle-même qui ne contiendra aucune once d'ADN du mâle. Ce ver vient d'être décrit par des chercheurs français et nous en discutons donc avec Pierre-Henri Gouillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de l'évolution des espèces. Et avec Marie Delattre et Marianne Félix, vous publiez ce travail dans la revue Science. Comment est-ce que vous avez croisé d'abord la route de ce petit ver qui ne mesure pas plus d'un millimètre, hein, c'est ça ? Un peu moins même. C'est-à-dire que Marie Delattre et Marianne Félix sont des collègues que je connaissais. Et un jour, elles sont venues me raconter l'histoire de leur petit ver. Et j'ai trouvé ça d'abord fascinant. Et puis en plus, on s'est rendu compte que ça posait un petit problème sur le plan évolutif. Et du coup, ma spécialité, c'est un peu de faire des mathématiques pour essayer de comprendre la façon dont l'évolution fonctionne. Et j'ai mis en œuvre des petits modèles de théorie des jeux pour comprendre et prédire ce qui arrive chez ce ver. Où est-ce qu'il vit, ce petit ver ? Alors ce petit ver, il vit dans le sol, il mange les bactéries qui décomposent la litière végétale. Ouais. C'est un des décomposeurs, disons. C'est des petits vers d'un demi millimètre de long. Donc il fait du bon boulot. Hein. Ah oui, il est très utile. Très utile, ouais. Très utile. Alors on l'a dit, sa particularité tient dans son mode de reproduction où les mâles sont clairement assez peu utiles. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand une femelle décide de se cloner ? Alors, donc il y a plein d'espèces chez lesquelles des femelles décident de se cloner et de se passer des mâles. On considère que ça fait quelque chose comme 5% des espèces au total. Ah, quand même. Lesquelles, par exemple, vous avez des... Bon, il y a des lézards, le lézard fouette-queue, par exemple, qui est très célèbre parce que les femelles sont incapables d'ovuler sans un accouplement, donc elles s'accouplent entre elles, puisqu'il n'y a plus que des femelles. Une fois que les femelles se sont débarrassées des mâles et font de la parthénogenèse, il n'y a plus que des femelles. Voilà, donc il y a cela, il y a aussi un petit poisson qui ressemble un tout petit peu à notre petit ver, là, c'est un poisson qui s'appelle Poicilopsis, et chez ces poissons, les femelles font des œufs parthénogénétiques, mais là aussi, une fois l'œuf fabriqué, il n'arrive pas à démarrer son développement. Pour notre ver, ça se passe comment ? Parce qu'on parle des autres espèces, mais on n'a pas bien compris ce qui se passait pour le ver. Alors pour le ver, ce qui se passe, c'est que l'œuf, une fois constitué, il a tous les chromosomes qu'il faut, mais il lui manque quand même des trucs. Et surtout, la difficulté avec un œuf, c'est que c'est une structure un peu sphérique. Vous voyez, il faut décider comment on va le diviser en deux pour fabriquer un embryon. On va diviser en deux, puis en quatre, etc. Et la première division, il faut arriver à décider d'où est-ce qu'elle part. Et en général, elle va partir de là où pénètre le spermatozoïde. Et donc, c'est une des limites de la possibilité de développement de la parthénogenèse, parce que, chez ce petit ver, comme chez le poisson, puis ici le petit, l'œuf n'arrive pas à démarrer sans qu'il y ait un spermatozoïde qui lui dise où est-ce qu'il faut démarrer les divisions. Et du coup, il y a besoin de ce spermatozoïde. Alors, il rentre dans l'œuf, et puis, il est immédiatement éjecté. Il ne reste de lui, dans le cas présent, qu'un petit truc qui s'appelle le centrosome. Bon, on va peut-être pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, il va avoir donné l'impulsion qui permet la première division de l'œuf. Mais Pierre-Henri Gouillon, si les femelles créent des clones d'elles-mêmes, à un moment, il n'y a plus de mal, normalement. Voilà, c'est tout le problème. C'est que si jamais ça se passait que comme ça, ça marcherait pas. Alors, chez le poisson en question, ce que les femelles font, c'est qu'elles vont draguer les mâles de l'espèce d'à côté, qui, eux, laissent leur spermatozoïde assez facilement. Mais chez notre petit ver, eh ben non, elles sont obligées de le fabriquer elles-mêmes. Et donc, en réalité, elles éjectent le spermatozoïde dans la plupart des cas, mais dans un peu moins de 10% des cas, eh ben, elles le gardent, et elles le gardent d'ailleurs à condition qu'il ait un chromosome Y, de façon à faire un fils. D'accord. Et ce fils, il servira à fabriquer les spermatozoïdes pour la génération d'après. Alors, vous avez dit 10%, 9%, c'est le chiffre annoncé dans la publicité. Est-ce que le chiffre est important, la proportion de mâles dans la population? Ben, un peu, parce que c'est, évidemment, on peut dire que c'est pas beaucoup, 9% de mâles, mais d'un autre côté, du point de vue d'une femelle, c'est ça le problème théorique qu'il y avait, c'est que c'est quand même 9% de sa reproduction qui est gâchée, puisque ces mâles ne se reproduiront pas, en fait. Ils vont juste servir, en quelque sorte, de sextoy pour le démarrage du développement de l'œuf. Et donc, c'est pas du tout rentable pour la femelle de fabriquer ses mâles. Et donc, la modélisation qu'on a pu faire, ça a été justement d'essayer de voir si on pouvait prédire que 9%, c'était le taux de mâles produits et dans quelles conditions. En termes d'évolution, comment est-ce qu'une espèce en arrive à être sélectionnée quand elle se reproduit comme ça? Quel est l'avantage à avoir cette méthode? Alors, la question de l'avantage, c'est un problème compliqué en évolution, mais sur le plan individuel, eh bien, l'avantage est très fort. La reproduction sexuée, en fait, c'est une reproduction très inefficace, hein, puisqu'on produit des mâles et des femelles, alors qu'en fait, c'est les femelles qui font tout le boulot sur le plan de la reproduction. Hein, pour nous, évolutionnistes, les mâles sont à l'origine plutôt des parasites des femelles. Hein, un individu qui vous injecte ses gènes pour que vous les reproduisiez sans rien faire lui-même, c'est un parasite ou un mâle, selon dans quelles circonstances on se trouve. Et donc, effectivement, des femelles qui arrivent à se passer des mâles, au fond, elles sont très facilement favorisées. D'une certaine façon, la question, c'est plutôt de savoir pourquoi ça n'arrive pas plus souvent que ça, que de savoir pourquoi ça arrive. Donc, à terme, l'évolution naturelle d'une lignée, c'est d'aller vers ce passé des mâles? C'est comme ça qu'on le voit? Manifestement pas, puisqu'il n'y a quand même qu'une minorité de formes vivantes qui ont perdu les mâles. Il est clair que ça arrive dans pas mal de groupes, ça arrive dans pratiquement tous les groupes d'animaux et de végétaux, sauf les mammifères, ou les oiseaux. D'ailleurs, on n'a jamais vu apparaître de parthénogenèse. Et effectivement, donc, ces difficultés de perte de sexe, parce qu'il faut savoir que toutes les espèces asexuées sont des espèces qui ont perdu le sexe, c'est pas des espèces qui l'ont jamais eu. Et elles l'ont perdu il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on regarde l'arbre, l'histoire du vivant, eh bien, les espèces asexuées sont plutôt des extrémités de rameaux, ce qui veut dire que probablement elles s'éteignent assez vite. Et donc, il y a un avantage à l'échelle de l'espèce à être sexuée, alors qu'il y a un avantage à l'échelle de l'individu à être asexué, et ça pose un problème bien sûr compliqué. Donc, ce que vous dites aussi, ça veut dire que dans l'histoire de l'évolution, la première forme de reproduction qui est apparue, c'est le sexe. Alors, pas de reproduction, mais il y a eu du sexe dès le début. Si vous voulez, les premières formes vivantes, elles devaient échanger leur matériel génétique comme des folles, elles n'avaient absolument pas de système extrêmement fermé, mais progressivement, eh bien, ça s'est restreint, et dans notre lignée, dans la lignée des eucaryotes, celle des animaux et des végétaux, eh bien, la reproduction est devenue liée au sexe, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à perdre le sexe complètement et à fabriquer des formes totalement asexuées. Merci beaucoup Pierre-Henri Gouillon pour ces informations à la suite donc de cette publication dans Science, et puis on verra dans un instant que même chez Toutankhamon, il y avait des modes de reproduction un peu exotiques pour nous. Et oui. Justement, le point commun, c'est que ce qu'on a pu montrer, c'est que pour expliquer les 9% de mâles, eh ben, il faut que les mâles fécondent essentiellement leurs sœurs. Voilà le point commun entre notre ver et Toutankhamon. Très belle transition offerte par Pierre-Henri Gouillon. Ça nous amène vers notre sujet dans un instant. Merci beaucoup. Kick it around, find another temptation to get up. seals another cool land with a mouth full of steam. Takes his time, never looks you in the eye. He's got a head full of ideas to be. Fox Warren, To Be à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, Toutankhamon et son trésor, une exposition événement donc à voir à partir de demain à la Grande Halle de la Villette. Vous aurez jusqu'au 15 septembre pour vous y rendre. C'est en partenariat avec France Inter. Et pour en parler cet après-midi dans la tête au carré, Vincent Rondeau, donc directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Et puis Dominique Farou, égyptologue, conseiller scientifique de l'exposition. Et vous êtes également enseignant à l'Institut Khéops, chargé de cours à l'école du Louvre à l'ENS de Paris. Alors le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter faisait donc cette découverte extraordinaire dans la vallée des rois, le tombeau intact de Toutankhamon, pharaon donc de la 18e dynastie égyptienne. Et finalement, on pourrait presque dire que Howard Carter, Dominique Farou, c'est le deuxième visage de cette exposition. Hein. Il y a évidemment la figure de Toutankhamon et puis la sienne qui est là aussi en filigrane. Hein. Bah, c'est lui qui a ressuscité Toutankhamon. Ouais. C'était important justement de raconter cette histoire-là. Ah, je pense que c'est fondamental. Parce que enfin, c'est quand même l'histoire d'un excellent égyptologue, un type qui a commencé à fouiller en Égypte à l'âge de 17 ans quand même, parce que c'était un dessinateur de génie. Heureusement que c'est tombé sur lui d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, de l'organisation pour sortir les objets qui a été excellente. Ouais. Un homme qui avait une connaissance de terrain vraiment excellente, qui avait un flair terrible, qui et c'est vraiment une logique, hein. C'est pas juste mouiller le doigt, regarder s'il y a du vent. Ouais. C'est-à-dire que le lieu du tombeau, il l'a pensé, il évidemment, l'a pensé, il n'y a pas beaucoup de hasard là-dedans. Il y en a quand même, parce que bon, il fallait qu'il ait raison. Ouais. Mais oui, il était au bon endroit. Il était au bon endroit. Oui, mais enfin, il y est allé exprès. Il s'est pas dit tiens, je vais fouiller dans la vallée des rois, on va voir s'il y a quelque chose. Ouais. Il s'est vraiment dit là, on a un roi qui ne laisse aucune trace, qui a été oblitéré, mais qui a été enterré, donc on n'a aucune trace de mobilier de lui, rien du tout. Si ça, à tous les coups, sa tombe n'a pas été pillée. Enfin, il avait un certain nombre d'éléments. Ça sera assez long de montrer. Et il avait raison. Ouais. Qu'est-ce qui finalement a confirmé son intuition au départ ? Est-ce qu'il y avait un objet qu'il a trouvé qui a pu lui permettre de prolonger les recherches ? On avait déjà trouvé une petite cache, si vous voulez, dans laquelle étaient des objets qui avaient été utilisés visiblement pour l'enterrement dans la vallée des rois. Et donc il s'est dit, si on a ça, c'est que le tombeau n'est pas loin. Et en fait, il a rien dit à personne parce qu'il attendait de pouvoir avoir la concession. Ouais. Et il a été malin. Ouais. Alors, il était financé, évidemment, pour faire ses recherches, parce qu'il fallait beaucoup d'argent, ça mobilisait énormément de monde. C'est un Anglais, je crois, c'est ce qu'il racontait dans l'exposition. Oui, Lord Carnarvon, qui a eu un grave accident de voiture. Il était donc assez malade, c'est pour ça qu'il est mort, d'ailleurs. Hein, et son médecin lui avait conseillé de rester dans un endroit chaud et sec. Donc, un Anglais, à cette époque, un endroit chaud et sec, bah, c'est l'Égypte. Et un Lord, à cette époque, dans cet endroit chaud et sec, il s'ennuie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il finance des fouilles. Voilà. Coup de chance pour Carter. Alors, l'histoire dit que c'était vraiment le dernier financement accordé justement par le Lord et qu'il fallait... c'était la dernière chance avant de pouvoir trouver quelque chose, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, ça faisait des années, une dizaine d'années qu'ils cherchaient. Ils ne trouvaient rien. La mort dans l'âme, Carnarvon et Carter convoquent d'ailleurs, enfin, invitent un certain nombre de leurs collègues et leur annoncent qu'ils vont tout arrêter. Et c'est Bruyère qui raconte ça, c'est grâce à Marc Gabold que j'ai eu l'histoire. qui est égyptologue également, qui a sorti un livre sur Toutankhamon, voilà, et qui m'a dit tiens, bah regarde cet article de Bruyère, et Bruyère raconte que le Rayès, le chef des ouvriers avec qui il travaillait depuis des années, qui connaissait très bien, qui était un homme qui connaissait très bien le terrain, est venu lui parler à l'oreille, que Carter est allé parler à l'oreille à Carnarvon, et que donc ils ont décidé de faire une dernière campagne. C'est ça. En fait, le Rayès lui avait dit, tu te souviens, on avait dit que cet endroit, on l'essaierait. Et ça les a convaincus et ils ont voulu tenter une dernière chance et c'était la bonne. Et voilà ce qui se passe justement en novembre 1922, extrait d'un texte dans Histoire possible et impossible. C'était en 1997 sur France Inter. Le 26 novembre devait être le plus beau jour de ma vie. À 10 mètres de la première porte, on en mise un jour une seconde, scellée elle aussi. L'instant décisif arrivait. Les mains tremblantes, je pratiquai une petite ouverture dans le coin supérieur gauche. J'y introduisis une tige de fer qui ne rencontra que le vide. Et puis, je plaçai une bougie devant l'ouverture pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'émanation dangereuse. J'élargis le trou et je regardai. Lord Carnarvon et Lady Evelyn étaient près de moi. D'abord, je ne vis rien. L'air chaud qui s'échappait de la chambre faisait clignoter la flamme de la bougie. Et puis, à mesure que mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité, des formes se dessinaient lentement, d'étranges animaux, des statues, et partout le scintillement de l'or. Pendant quelques secondes, qui durent sembler une éternité à mes compagnons, je restais muet de stupeur. Et lorsque Lord Carnarvon me demanda enfin « Vous voyez quelque chose ?» Je ne pus que répondre « Oui, des merveilles !» Et on imagine effectivement l'émotion de Howard Carter. Vincent Rondeau, est-ce qu'il y a des précédents dans l'histoire justement sur la découverte d'un trésor de cette ampleur ? Oui, des précédents, il y en a eu, je pense, au trésor de la reine Étepérès, une reine de la 6e dynastie de mémoire, ou 5. C'est la 3e dynastie, c'est la mère de Khéops. L'ancien empire, la mère de Khéops, pardon. Mm-hmm. Et puis, il y a eu un successeur aussi à cette découverte, puisque les tombeaux intacts, non violés, des rois des 21e et 22e dynasties, ont été trouvés à Tanis, dans le Delta. Avec autant d'objets? Avec moins d'objets, parce que, précisément, c'est une des questions qui est posée par le trésor Toutankhamon, mais l'Égypte est très riche. Et puis moi, j'ai été le témoin, pendant que je travaillais en Égypte, de la découverte, par exemple, de ce qu'on appelle le trésor de Douche, qui est d'ailleurs exposé. Douche, c'est le nom d'un petit village dans l'oasis de Rarga, où on a retrouvé, comme ça, dans une jarre, un trésor. Il y a beaucoup d'histoires de découverte de trésors. Et c'est pour ça que la découverte de Toutankhamon est une espèce de démonstration de ce point de vue-là. Dominique Farou vient de le rappeler, les circonstances et l'obstination que ça demande, les financements bien sûr, mais aussi, peut-être surtout, avoir une hypothèse de travail. On fouille pas pour trouver des objets, même si là on en a trouvé à profusion, mais on fouille pour vérifier une hypothèse. Et Carter, il avait cette hypothèse. C'est ça. Il y avait une vraie méthode scientifique, Il y a une méthode scientifique. Ce qui est à la base de ça. Absolument. Hein. Ce n'est pas une... On cherche pour vérifier un raisonnement. Ouais. Et là, son raisonnement, c'était la tombe de Toutankhamon existe et elle est inviolée. Ouais. Et il l'a prouvé. 5398 objets, je crois que c'est le chiffre. Et également une méthode pour inventorier tous ces objets. On le voit aussi très très bien dans l'exposition, la façon dont Carter a procédé et qui inspire toujours d'ailleurs les archéologues aujourd'hui. Oui, c'est des méthodes qui se perfectionnent en permanence, si vous voulez. L'archéologie invente ses outils au fur et à mesure qu'elle progresse dans la connaissance. Et du coup... Comment il procède alors concrètement, Howard Carter, pour faire cet inventaire ? Voilà. Une fouille, rappelons-le, c'est une destruction, si vous voulez, au sens où vous détruisez le sol que vous êtes en train de fouiller pour en comprendre les différentes strates. Et du coup, ça vous impose de documenter inlassablement, documenter pour ne pas perdre les informations que vous êtes en train de détruire, entre guillemets. Et dans le cas du trésor, vous allez séparer les objets les uns des autres, donc vous allez détruire leur ordonnancement. Mmh. Et du coup, vous documentez avant de le faire. Mmh. Et la photo, par exemple, avec tous ces numéros, c'est saisissant. Absolument. Dans l'exposition. Et on les voit, hein, Dominique Farrow illustre ça très bien. Évidemment, c'est magnifique d'ailleurs, hein, parce qu'on voit chaque objet a son numéro, et évidemment, c'est extrêmement précieux pour documenter ensuite ce trésor. Oui, la chance, c'est que ça a été un type comme Carter qui a trouvé le trésor tout en camon, qui était très organisé. Il a tout dessiné, tout photographié, tout numéroté. On a même retrouvé des documents qui n'ont pas été publiés, je dirais, et qui permettent d'apporter des précisions encore. Et c'est incroyable, il a très très bien travaillé. Combien de temps ça a demandé d'ailleurs? Ça a été long, ce travail d'inventaire? Je pense que c'est quoi, une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Quelque chose comme ça. Donc il est resté 10 ans sur place, où les objets ont été tous ramenés dans un lieu... Au fur et à mesure, donc... Il dessine, il photographie, il inventorie, il explique, il décrit. Il a pris les meilleurs avec lui. Il a les meilleurs restaurateurs de l'époque. Donc, qui restaure sur place, qui commence à restaurer sur place l'objet, juste assez pour qu'on puisse le déplacer dans la tombe de Séti, qui est juste à côté du roi Séti, qui est transformé en laboratoire avec tout. Quoi. C'est un travail. Alors, c'est une question que je me posais d'ailleurs au cours de l'exposition hier, Vincent Rondeau. Est-ce que les objets ont été restaurés récemment ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'une exposition, une fois qu'on a procédé au choix des objets, etc., on examine leur état pour savoir justement dans quelles conditions le transport et l'installation va pouvoir se faire. Et d'ailleurs, le choix dépend aussi de la possibilité ou non de transporter ces objets. Tout ça se réfléchit bien en avance. Et oui, on doit restaurer les objets avant de les consolider, le cas échéant, donc, avant de les exposer. C'est vrai trésor, hein, vraiment, au sens propre du terme. Hein. On peut travailler encore dessus aujourd'hui. Bien sûr. Y poser des peintures, par exemple, ou des feuilles d'or pour les restaurer? La restauration ne va pas jusque-là. Il s'agit de consolider, de conserver, etc. Mais une restauration qui envisagerait d'installer des feuilles d'or, là, ce serait une opération hors norme. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui existait à l'époque, il y a 3300 ans. Oui, et puis voilà. Non, mais c'est important de le préciser, Vincent, hein, parce que on restaure. Vous comprenez, on n'est pas dans un magasin de vente, vous savez, où on vous vend une chaise Louis XVI et il y a deux pieds qui sont d'origine. Non, là, restaurer, hein, ça n'est pas rajouter des choses. Ouais. Donc il faut bien l'entendre. On consolide. Enfin, je suis pas restaurateur, Vincent non plus, mais nous savons bien comment elle travaille. Donc ce que vous voyez. C'est vrai, c'est-à-dire si la feuille d'or s'est décollée, elle est recollée, mais exactement comme elle était à l'origine. Il n'y a pas d'ajout de matière. On n'ajoute rien. Allez, le trésor de Toutankhamon, c'est à partir de demain à la Grande Halle de la Villette, et c'est une spéciale Tête au Carré cet après-midi. Cette maison, c'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue pourtant. Face au bistrot. Un peu plus loin, la pharmacie, le groupe scolaire du village et tous ces gens qui passent. Ils n'ont pas vraiment d'âge. Il est un étang aussi, là-bas. Quand j'ouvre grand la fenêtre du salon, j'y salue les eaux calmes chaque matin. Et les eaux calmes me répondent. Je me sens revivre, tiens. Elle me rappelle tes caresses, tes baisers. Alors, je peux démarrer ma journée. Je brûle de mille feux. Je brûle de mille feux. Je brûle. C'est une maison de pierre blanche. D'où l'on observe les souvenirs de l'enfance et de la grande adolescence. Je n'avais pas conscience des détours qu'il faudrait prendre, et peu importe. Tout au bout, je savais le plaisir, les voyages, un baiser. Alors, je peux démarrer ma journée. Je m'en vais. De mille feux, je m'en vais. De mille feux. Toi, tu sais, tu ne sais pas peut-être, je te le dis alors. Pour toi, souvent, je suis comme dans un grand brasier. À la simple évocation de ton nom, de tes yeux, je brûle peut-être que je suis amoureux, amoureux. Je ne sais pas, je ne sais plus, de toute façon, je ne te le dirai pas, pour ne pas t'effrayer, pour ne pas m'effrayer aussi, mais je brûle, je danse pour toi, je ne me lasse plus d'être moi. Je brûle, je brûle, je brûle, de mille feux, je brûle, de mille feux, je brûle, tu vois, je brûle. Et c'était Baptiste Hamon, Je brûle. La tête au carré sur France Inter. Voilà mes invités, Vincent Rondeau, directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, et Dominique Farou, conseiller scientifique de cette exposition sur le trésor de Toutankhamon et égyptologue. Mes invités donc cet après-midi, alors c'est le pur hasard de la programmation musicale, on avait Baptiste Hamon à l'instant qui nous chantait Je brûle, et Vincent Rondeau, justement il y a cette statue du dieu Hamon protégeant Toutankhamon qui est une des pièces majeures de l'exposition, prêtée précisément par le Louvre. Et d'ailleurs on peut tout de suite préciser que le nom de Toutankhamon vient du dieu Amon aussi, hein. Absolument, les noms des rois sont ce qu'on appelle des théophores, c'est-à-dire qu'ils portent le nom d'un dieu. Ouais. Et Toutankhamon l'illustre très très bien, puisqu'il y a le nom du dieu Amon qui, à la fin de son nom. Auparavant, avant de s'appeler Toutankhamon, il s'appelait Toutankhaton. Ouais, c'est ça. Comme son père Akhen Aton, ouais. Qui avait voulu instaurer ce culte au disque solaire, finalement, unique et flamboyant. Et c'est donc à Toutankhamon, Toutankhaton, puis Toutankhamon, qu'est revenue la charge très lourde de rétablir le culte au dieu Amon. Ouais. Est-ce que c'est la seule pièce que vous avez appartenant au trésor de Toutankhamon ou Mais cette statue n'appartient pas Alors, au trésor c'est de Toutankhamon. C'est pas le trésor, oui, effectivement. Oui, oui, oui. Et c'est la seule autour ce de... Voilà, ce qui fait sa rareté, c'est que c'est une des rares statues au nom de Toutankhamon qui soit connue, parce que le règne court de ce roi n'a pas permis une production comme d'autres règnes l'ont permis. Puis il y avait un travail, je suppose, de restauration qui déjà donnait beaucoup de une charge de travail considérable. Alors comment s'est fait le choix pour le Louvre justement de donner cette œuvre-là, enfin de prêter cette œuvre-là en particulier? Eh ben, je me suis dit que, et le Louvre s'est dit, si vous voulez, que puisque les autorités égyptiennes nous demandaient de participer, il fallait réfléchir à quelque chose qui soit à la hauteur de l'enjeu de cette exposition. Et je me suis dit, pourquoi le Louvre n'enverrait-il pas un ambassadeur? C'est une des plus anciennes collections d'antiquités égyptiennes au monde, en Europe, 1827, pour la création du musée égyptien, il y a 200 ans presque. Pourquoi le département n'enverrait-il pas un ambassadeur du Louvre auprès de cette exposition égyptienne? Et du coup, l'idée a plu, l'idée a séduit, et on a envoyé cette statue. Alors, elle raconte quoi, justement, du contexte aussi de la vie de Toutankhamon et du tombeau? Et historiquement, elle est très chargée, si vous me permettez, parce que elle raconte précisément le rétablissement du culte au dieu Amon. Son visage sur la statue est intact, magnifique, avec ses deux hautes plumes sur leur mortier qui caractérisent la coiffe d'Amon. Mais en revanche, il est assis sur son trône et il a devant lui, entre ses jambes, la petite figure de Toutankhamon, qui, elle, a perdu sa tête. Et quand on regarde un peu plus près, a perdu également la statue, les deux bras du dieu Amon. On a brisé le lien magique à Toutankhamon et on a brisé sa tête pour essayer de faire disparaître sa mémoire. Ce pharaon-là a, subi des pratiques qui étaient communes à l'époque, de damnation de sa mémoire. On voulait en faire disparaître le souvenir pour se débarrasser de cette époque néfaste. Et il a survécu malgré tout. Dominique Farou, alors les objets, eux, qui appartiennent au trésor de Toutankhamon, est-ce qu'ils nous racontent finalement, est-ce qu'ils dressent le portrait aussi du pharaon? Ou est-ce que finalement ce sont des objets qu'on aurait pu trouver dans le tombeau de n'importe quel autre pharaon? Et en fait, c'est les deux. La réponse est oui, deux fois. C'est-à-dire que nous avons quand même un certain nombre d'objets provenant des autres tombeaux qui ont échappé aux pilleurs, à leur éparse. Mais nous nous apercevons qu'en fin de compte, le contenu de la tombe de Toutankhamon correspond peu ou prou à ce que devait être le contenu des autres tombes. Et l'autre réponse est oui aussi, puisque on a des objets Une personnalisation intimes, des objets, voilà. Ouais, c'est ça. On a par exemple un trône d'enfant, si Ramsès II, je ne sais pas, hein, mais on imagine moins bien un trône d'enfant chez Ramsès II, puisqu'il est monté sur le trône, il était déjà adulte, il avait au moins deux épouses, quatre garçons minimum, enfin vous voyez, etc. Alors que Toutankhamon avait ça, quel âge, donc lui quand il est monté sur le trône. Ans, voilà, 8 ans, c'est ça. Ouais. Donc il y a son trône, oui, on a son petit trône à l'exposition, qui est extrêmement émouvant. Voilà. Hein. Ouais. Moi, ça me fait toujours quelque chose quand je le vois. On imagine ce petit enfant. C'est incroyable. C'est ça. Hein. C'est... Enfin bon. Et donc on a des objets de ce genre, dans des objets officiels. Non. On a, vous voyez, donc on a même des boîtes qui nous disent sur lesquelles est marqué en hiératique, donc une écriture cursive de la du hiéroglyphique, c'est du hiéroglyphe, hein, qui disent que ce sont ces boîtes contiennent des objets de Sa Majesté alors qu'elle était enfant. Vous voyez, tout de suite, ça devient poignant, quoi. Enfin, voilà. Donc, on a des éléments comme ça. En même temps, je dirais, la personnalité intime de Toutankhamon nous échappe, comme pour tout le monde, en fait. Ouais. On a juste un petit peu plus d'informations que pour les autres. Alors, on essaie d'en savoir plus également sur sa génétique, puisque des travaux ont été réalisés sur la momie avec l'ADN de Toutankhamon. Et alors, on va justement écouter l'extrait d'un documentaire qui nous en dit un peu plus sur ses liens de parenté. Au laboratoire, l'équipe travaille jour et nuit sur l'ADN de la mystérieuse jeune dame découverte dans la tombe 35. L'ADN mitochondrial a déjà prouvé un lien de parenté entre cette momie et Toutankhamon. Mais la piste s'arrête là. L'équipe va maintenant jouer sa dernière carte. Ils espèrent que l'analyse d'un autre type d'ADN dans le noyau de ces cellules leur fournira des résultats plus précis. Après de longues heures d'un travail laborieux, l'analyse de l'ADN est terminée et la vérité éclate au grand jour. Oui, c'est la mère de Toutankhamon. Posaï, cette découverte met fin à des dizaines d'années d'enquête. La jeune dame, la deuxième magnifique reine découverte dans la tombe KV-35, est bien la mère de Toutankhamon. Pourtant, une zone d'ombre subsiste. Qui est cette jeune dame ? Est-ce Néfertiti, la magnifique première épouse d'Akhenaton ? La moitié du puissant couple de l'Égypte antique ? Mais Toutankhamon pourrait tout aussi bien être le fils de Kiya, la deuxième épouse d'Akhenaton. Assez compliqué, hein, Dominique Farou, hein, ces histoires de généalogie. Là, c'est extrait d'un documentaire de 2010, Les derniers secrets de Toutankhamon. Alors justement, il y a cet arbre généalogique qu'on voit aussi dans l'exposition. Donc pour le père, on est d'accord, c'est Akhenaton. La mère, donc c'est la young lady. Probablement. Mais qui serait aussi Néfertiti. Alors là, c'est pas clairement affirmé. Les égyptologues, beaucoup pensent que c'est Néfertiti, la mère de Toutankhamon. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'ils disent Néfertiti ou Kiya, parce que, vous voyez, on sait que c'est une grande épouse royale. Si ce n'est pas une grande épouse royale, on préciserait. Ouais. Pourquoi on est sûr pour Akhenaton, pourquoi on n'est pas sûr pour la mère alors? Déjà parce que si ce n'était pas Akhenaton, on aurait la précision. Et pourquoi on se pose cette question pour Toutankhamon et pas pour les autres? C'est rare que le roi précise, enfin qu'on nous dise précisément que ce roi est le fils du roi précédent, puis à partir du moment où tout le monde le sait. Donc, nous savons plutôt quand le roi précédent n'est pas le père du roi suivant. Parce qu'en général, là, dans ce cas-là, nous avons des informations, ça se dit. Mais, voyez, comme Horemheb, quoi. On sait qu'Horemheb n'est pas le fils de Haï, quoi. Ça, c'est clair. Donc, quand ils nous le disent pas précisément, c'est que c'est le fils du prédécesseur. Ouais. Ce qui est la logique. Enfin, comme vous voyez, Louis XIV devant régulièrement rappeler qu'il est le fils de Louis XIII. Ouais. Alors, justement, Vincent Rondeau, les mariages consanguins entre frères ou cousines, frères et sœurs, cousins, cousines, c'est quelque chose de tout à fait normal en Égypte à cette époque. Non, je pense que c'est nous qui sommes intrigués par ça et qui en tirons des conclusions trop larges, si vous voulez. En fait, c'est cette époque-là, le règne de Ramsès II, Et ensuite, bien après l'époque ptolémaïque, qui a attaché à la civilisation égyptienne l'idée de ces mariages endogamiques. Mais c'est finalement, quand on regarde l'histoire sur la durée, assez exceptionnel. Ça n'arrive qu'assez exceptionnellement. Il faut beaucoup plus probablement, mais ça demanderait à être démontré, y voir des soucis, des préoccupations dynastiques, si vous voulez. À un moment, s'il y a une difficulté dynastique, etc., on aura tendance à choisir cette solution, ou alors à y consentir dans ces circonstances. Ouais. Ou alors un long règne comme celui de Ramsès II, qui en effet présente ce cas. Ouais, parce que Néfertiti, alors si c'est elle la mère de Toutankhamon, était la sœur de Akhenaton, c'est ça ? C'était un membre de la même famille. Ouais. On s'y perd. Elle vient probablement de la branche armimique de la famille, donc c'était... Parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Hein. Ce serait sa cousine Germaine, quelque chose comme ça. Comprenez, on a une famille là où tout le monde se marie dans la fratrie. La fratrie, c'est pas seulement la fille, la sœur par la mère et par le père. Ça peut être une demi-sœur, une cousine. Et pour nous, c'est souvent très difficile de savoir exactement qui est quoi, parce que l'épouse en Égypte, ça s'appelle la sœur. Ouais. Vincent Rondeau. Il faut rappeler une chose aussi, peut-être, pour contextualiser une affaire comme celle-là qui nous préoccupe, et c'est étonnant, c'est que on vit et on sort d'une époque à une époque extrêmement troublée, là, de celle dont on parle, le règne de Toutankhamon. Et donc, le règne d'Akhenaton vient de finir, l'enterrement s'est fait, mais dans des difficultés politiques considérables. Et du coup, ces histoires de mariage qui nous passionnent aujourd'hui sont à la hauteur de ce qu'on voudrait comprendre de cette période historiquement très troublée, vous voyez. Et du coup, c'est vrai qu'on est passionné aujourd'hui à savoir ça, alors que pour d'autres périodes, la chose se fait naturellement, je dirais. Allez, dans un instant, on se retrouve et nous allons justement découvrir vraiment quelques objets de ce trésor qui sont à voir en ce moment, à partir de demain précisément, à la Grande Halle de la Villette à Paris. J'adore. Regardez danser les gens. Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens et de temps en temps je coupe le son et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. J'adore. sort, j'adore. Philippe Catherine, bien sûr. La tête au carré. Sur France Inter. Et l'Égypte avec le trésor de Toutankhamon, donc à partir de demain à la grande halle de la Villette avec mes invités pour en parler, Vincent Rondeau et Dominique Farou. Alors Vincent Rondeau, puisqu'on va maintenant parler quand même des objets, hein, c'est évidemment ça qui est au cœur de cette exposition. Un petit mot peut-être sur la muséographie, la façon dont vous avez imaginé cette présentation d'objets. Il fallait trouver quelque chose quoi, qui soit le plus pur possible finalement pour ne mettre que les objets en valeur. Alors voilà, et il faut préciser tout de suite que cette muséographie, elle est organisée par les commissaires de l'exposition, c'est-à-dire les conservateurs égyptiens qui l'ont organisée, et la société américaine qui est chargée d'organiser la tournée. Donc c'est quelque chose, cette muséographie à laquelle nous n'avons pas participé, ou alors vraiment très à la marge. Et c'est ça un des intérêts de l'exposition. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui auraient envie d'aller voir l'exposition, il faut s'attendre à quoi finalement en arrivant, parce qu'on est plongé quand même dans un au-delà aussi, hein. C'est ça l'idée. Hein. Voilà, il faut s'attendre à avoir une sélection de 150 objets provenant du mobilier et du trésor de Toutankhamon, parce qu'il y a les deux. Contextualisé par les commissaires de l'exposition pour représenter finalement le passage d'ici-bas à l'au-delà, à la vie éternelle, à travers les objets du trésor. Ouais. Et du coup, il y a dans un espace assez vaste, des vitrines avec des objets mis en majesté, si vous voulez, au centre de ces vitrines, autour desquelles on peut tourner. C'est ça, et ça c'est vraiment... Et qui permettent une contemplation vraiment... Une des très grandes qualités de l'expo, c'est qu'on peut vraiment tourner, Dominique Farou, autour de ces objets et de les regarder vraiment sous tous les angles, hein, parce qu'ils ont des choses à nous raconter. Oui, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, au Caire... dans le vieux musée, on va dire le vieux musée puisque le nouveau va arriver. Ces objets sont présentés sur des présentoirs qui ne permettent pas de voir leur dos la plupart du temps. Et là, eh bien par exemple les bijoux, on voit l'autre face. J'invite tout le monde à aller regarder l'arrière. C'est incroyable, c'est aussi magnifique et extraordinaire que la face qui est visible, qui est normalement visible. Ouais. Et puis, mais le trône d'enfant, c'est pareil, pouvoir se balader autour tourner, de ce trône. Le trône d'enfant auquel on pouvait tourner autour, mais par exemple les bijoux là, on ne pouvait pas. Les chaptis, c'est-à-dire ces statuettes représentant le roi qui porte sur le ventre le chapitre du livre des morts qui fait qu'il a des substituts si jamais on lui demande de travailler. C'était beau quand même. Ouais. Et tout ça, on peut voir leur dos, le grand gardien peint en noir. C'est la première fois que je pouvais lui voir les fesses correctement. Bon, on sait pas, mais le dos est absolument extraordinaire. Mais surtout les bijoux, ce qui est fou, c'est que ces gens ont travaillé finement. Et on mis plein de détails sur une face des bijoux que on ne voit pas normalement puisque c'est vous comprenez, c'est la face qui est du côté du corps. Ouais. Voilà. Et tout ça on peut le voir et on a des vitrines. Moi j'étais effaré de la qualité des vitrines. Ce sont des vitres qui sont pratiquement sans reflet. Absolument. On est dans le noir et en même temps c'est très éclairé, très lumineux. Enfin je sais pas. Il faut parler. Il y a quelques pièces évidemment qu'on peut évoquer ensemble tout de suite. Il y en a une moi qui m'a beaucoup plu, c'est le lit funéraire que je trouve vraiment très émouvant parce qu'il faut imaginer que Toutankhamon a pu dormir, se reposer sur ce lit et on voit encore les cordages qui sont extrêmement bien conservé. Ça, c'est vraiment une pièce formidable, Dominique Farou. Hein. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on a un certain nombre de pièces comme ça justement qui sont faites avec des matériaux périssables. Et à chaque fois, je me dis mais quelle est la probabilité pour que telle matière ait réussi à passer 3300 ans. Ouais. Vous voyez, on a les gants, enfin je veux dire des gants en lin brodé, qui sont encore présents. Moi ça me frappe encore plus que ces objets en or qui font rêver les enfants qui nous habitent encore en fait. Ouais. Vincent Rondeau. Oui, moi ce qui me frappe je pense au lit funéraire, c'est le dossier de ce lit qui est doré donc et puis qui quand on le regarde un petit peu dans le détail, ce qu'on peut faire là. Il y a trois petits tableaux teints en léger relief qui représentent le dieu Bès et la déesse Thuéris, qui sont deux divinités monstrueuse en quelque sorte et qui protège le sommeil. Ouais. Et là, c'est vraiment très, là aussi très. Alors, c'est ça aussi l'esprit finalement de ces objets pour emmener, accompagner le pharaon dans l'au-delà. C'est de le protéger aussi contre les êtres hostiles, les serpents par exemple. Et puis c'est aussi lui donner de quoi se défendre ou se nourrir aussi, parce qu'on a ces objets dans lesquels étaient conservées de très très belles boîtes qui sont absolument magnifiques, dans lesquelles était posée de la nourriture. Hein. Tout à fait. Il s'agit de plusieurs choses. D'organiser le passage de la vie à la mort. Ça, on l'organise magiquement parce qu'il faut triompher de la mort pour aller dans la vie éternelle, si vous voulez. Et puis pour un pharaon qui rejoint son père Ré et son voyage dans la barque du soleil, il faut protéger le défunt pour l'éternité dans ce grand voyage qui accompagne la divinité. D'où ce nombre d'objets aussi, très important. Et tous ces objets rituels sont là pour le faire. Allez, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vous demander chacun un objet vraiment qui vous tient à cœur et qu'on peut voir évidemment dans l'exposition. Dominique Farou, si vous n'en retenez qu'un pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas, puisqu'on a parlé des gants, on va rester sur les gants. Oui. Ces gants en lin brodé, c'est un miracle. De les voir. Alors il y en a un seul, il y en a un qui, ils étaient dans une boîte. C'est ça. Hein. Il y en a un qui a été déplié, l'autre n'a pas été déplié. Et moi ça me touche de d'imaginer quelque chose comme ça. Alors ce sont des gants d'apparat, hein, bien sûr. Ce sont des gants d'apparat parce que ils sont pas en cuir. Parce qu'on sait que ça, normalement ces gants, ce sont des gants de cavalerie ou des gants de chasse. Voyez. Et là ils sont en lin. Bon, en même temps, hein, le roi peut utiliser des gants tous les deux jours. C'est pas, Fabien, alors que c'est d'une préciosité. Ouais. Absolument. Vous, c'est un objet qui vous touche beaucoup, ça. Ben moi, oui, parce que on imagine le roi enfilant des gants. Enfin, je veux dire, vous comprenez, on touche à la personne. Ouais, mais le lit, c'est ça aussi. Le trône. Voyez, le trône d'enfant. Voilà, Les cannes qui sont présentées. Alors les cannes, attention, ce sont des cannes magiques. Ouais. Hein, on a très peu de cannes de marche en réalité. Les cannes sont des cannes magiques qui représentent des ennemis qu'il faut frapper. Oui. Selon des rites particuliers, et les autres cannes qu'on n'a pas d'ailleurs à l'expo sont des cannes de combat. Oui. Donc il en avait beaucoup, hein. Il y en avait 150, oui, je crois, il y en avait 150, mais si je compte les flèches, les arcs, c'est la même chose. Voilà, donc ce sont des cannes pour se défendre en fait. Vincent Rondeau, allez, un objet dont vous avez envie de nous parler cet après-midi. Alors moi je retiens, si vous voulez bien, une statuette du roi qui est représentée sur une nacelle en papyrus, avec les deux bouts en fleurs de lotus qui sont dorés. La nacelle est en bois de couleur verte. Et la statuette du roi, dorée, est penchée vers l'avant dans un mouvement qui cherche à maintenir son équilibre, avec dans la main droite un harpon qui est brandi, et dans la main gauche un lasso. Le lasso qui va permettre de ne pas perdre l'hippopotame qui s'enfuit une fois qu'on l'a harponné. Il est coiffé de la couronne de Basse-Égypte. Oui. Et dans cette attitude d'équilibriste, il est chargé de protéger le cosmos qu'est le monde organisé contre le chaos, qui est symbolisé par le gibier qu'il traque. Et je trouve ça magique. Oui. 150 objets donc réunis. Ça, c'est absolument exceptionnel. Dominique Farou, c'est donc aussi l'histoire du pharaon qui se dessine au travers de ces objets. Oui, tout à fait. Et puis alors vraiment, donc je ne les ai pas choisis, donc je peux vraiment en parler. Ça a été vraiment choisi judicieusement. Parce que on a, vous voyez, des bijoux, des éléments purement magiques, funéraires, religieux, etc. Des objets de sa vraie vie, du témoignage de son enfance. Et je pense que c'est un vrai bon résumé de tout ce qui se trouvait dans la tombe. Vincent Rondeau, très vite pour terminer, un mot de conclusion. Deux chevets en faïence sur lesquels on posait sa tête. Qui sont magnifiques. C'est vrai, les appuis-têtes extraordinaires. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Exposition, donc ça démarre demain, c'est l'unique occasion de voir ces objets à Paris, parce qu'après ils vont repartir vers le Caire pour l'ouverture du musée. Égypte. On pourra aller en Égypte à partir de 2020, et c'est donc à la Grande Halle de la Villette. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Allez, un petit mot pour vous dire que la prochaine conférence, et la dernière d'ailleurs de la saison autour du cerveau avec le camarade neurologue Lionel Nakache, aura lieu le jeudi 18 avril prochain à 20h autour des mystères du sommeil. Et si je vous en parle, c'est que les places pour le Studio 104 sont en vente à partir d'aujourd'hui même. Donc la billetterie est ouverte. Vous pouvez bien sûr vous inscrire et prendre vos billets sur franceinter.fr, à la page également de la Tête au Carré. On parlera du sommeil pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Donc notez bien jeudi 18 avril 20h. Dépêchez-vous, les places la dernière fois sont parties extrêmement vite et vous pouvez donc aller directement sur internet dès maintenant. Bon après-midi, dans un instant ce sera Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bon week-end.